Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les années Thatcher au Royaume-Uni. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome. Eh bien, c'est réglé. La Grande-Bretagne a élu Mme Margaret Thatcher à la tête d'un gouvernement conservateur. Mme Thatcher devient donc la quatrième femme à occuper le poste de premier ministre dans le monde. Now that the election is over, may we get together and strive to serve and strengthen the country of which we are so proud to be a part. C'est un appel à l'unité que lance Margaret Thatcher quand elle s'adresse aux Britanniques à son arrivée au 10 Downing Street le 4 mai 1979, au lendemain de la victoire électorale qui a fait d'elle la première femme à devenir première ministre du Royaume-Uni. Mais quand elle quitte le pouvoir en 1990, c'est un pays transformé et profondément divisé quant à son héritage politique qu'elle laisse derrière elle. Je l'aime pas parce qu'elle a une attitude souvent plus féminine que plus masculine que féminine. Quoi. Une attitude belliciste, une attitude d'intolérance par rapport belliciste par rapport. Elle envoie des mômes de mon âge ou des mômes de 20 ans se faire au casse-pipe pour un tas de cailloux au fin fond de l'Atlantique Sud pendant la guerre des Malouines. Ouais. Il y a eu l'histoire des mineurs aussi. Elle a des prétentions colonialistes donc. Guerrière, elle a laissé crever les Irlandais dans les prisons d'Irlande du Nord après un mois de grève de la faim. Bon, elle a une politique économique qui amène une situation en Grande-Bretagne qu'on connaît, je veux dire, qui est assez dramatique dans les ghettos. Elle a une politique par rapport aux immigrés, à l'immigration qui est très très dure. Et elle a laissé crever les mineurs en grève pendant un an aussi. Ça fait pas mal de choses, je veux dire. Et puis, bon, d'une femme au pouvoir, on attend peut-être une attitude plus humaine que d'un homme. Donc, je l'aime pas, quoi. Et puis, en plus, elle est moche. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Sur la chanson « Miss Maggie » du chanteur Renaud, vous entendiez justement Renaud à l'émission française Effraction, diffusée en 1986. Pour nous raconter les années Thatcher en Angleterre, je reçois Jean-Pierre Le Glenec, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, qui s'est beaucoup intéressé aux années Thatcher au Royaume-Uni, aux années Reagan également aux États-Unis. Et puis, il y a des parallèles, évidemment, qu'on peut faire entre les deux personnalités politiques. Jean-Pierre Le Glenec, bonjour. Bonjour. Alors, c'est Margaret Thatcher, Jean-Pierre Le Glenec, certainement l'une des figures politiques les plus marquantes de l'histoire du 20e siècle au Royaume-Uni, mais plus que ça, sur la scène internationale également. Pourquoi? Bien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première femme première ministre de la Grande-Bretagne. C'est aussi la première figure politique depuis le début du 19e siècle à obtenir 3 mandats successifs. Hein. C'est jamais vu au 20e siècle. Je dirais aussi que c'est un peu... Au Royaume-Uni, tout à fait. C'est un peu l'équivalent, en effet, de Ronald Reagan au début des années 1980. Et c'est là, finalement, que c'est une figure certes britannique, mais c'est une figure internationale dans la mesure où elle incarne la version britannique de la révolution néoconservatrice. On parle de Madame Margaret Thatcher, bien sûr, mais on parle aussi de thatcherisme. Il y a une philosophie thatcherienne. Je dirais de manière générale que Margaret Thatcher a révolutionné la Grande-Bretagne en transformant ce pays, finalement, en un pays de petits actionnaires à la fin des années 80 et au début des années 90. Elle incarne aussi, je crois, un retour à des valeurs qui sont censées être universelles, selon elle, des valeurs victoriennes, les valeurs du travail, les valeurs de l'effort. Alors, pour toutes ces raisons, je dirais que Margaret Thatcher est en effet un personnage non seulement important pour la Grande-Bretagne, mais pour l'histoire du monde en général dans les années 70, 80, 90. Ouais. Puis elle aura, on lui accolera très vite différents surnoms. Il y en a beaucoup, vraiment. On n'aura pas le temps de définir chacun des surnoms qu'on va lui donner, mais le premier qui nous vient en tête, évidemment, c'est « Dame de fer ». Pourquoi, Jean-Pierre Le Glenec? C'est vrai, cette expression lui est donnée dans les années 1970, à la fin des années 70, par le bloc soviétique, suite à un discours où elle dénonce la tentative, selon elle, de la Russie communiste de s'emparer du monde libre. C'est vrai que Dame de Fer, on lui accole généralement ce surnom-là, mais je préfère personnellement les mots que François Mitterrand lui attribue. Il la décrit comme une femme qui a les yeux d'Attila et la bouche de Marilyn Monroe. Alors évidemment, il y a un machisme évident dans cette description. Mais vraiment, c'est une guerrière, Renaud l'a rappelé tout à l'heure. Ce n'est pas seulement une figure d'épine, une fille d'épicier, mais bien une femme qui est en guerre pour révolutionner la Grande-Bretagne. Et qui est impitoyable, qui marche droit dans ses bottes, qui sera vue comme insensible. Ça aussi, ça fait partie du personnage de Dame de Fer, mais qui sera souvent vue comme insensible. Un seul exemple me vient en tête, mais dans son premier mandat, sa réaction, son attitude face aux prisonniers de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui veulent être reconnus comme prisonniers politiques, qui font une grève de la faim pour obtenir ce statut-là et qui finalement vont en mourir de cette grève de la faim. Oui, tout à fait. On lui reproche son manque d'empathie, aussi bien parmi ses détracteurs, d'ailleurs, que parmi ses ministres conservateurs. Au début des années 80, Margaret Thatcher ne fait pas l'unanimité au sein de la société britannique, mais elle ne fait pas non plus l'unanimité au sein du parti. Et beaucoup espèrent finalement que Margaret Thatcher fera un mandat pas plus et qu'elle sera remplacée par une figure conservatrice beaucoup plus compatissante. Oui. Autre surnom, puis vous l'avez évoqué, mais c'est pas pour faire dans l'anecdote, c'est que c'est significatif. Autre surnom de Margaret Thatcher, c'est fille d'épicier. Et au-delà de l'image, ça nous en dit beaucoup sur ses origines. Vous l'avez un peu évoqué, mais sur sa pensée profonde, sa pensée philosophique, les valeurs qu'a cette femme-là. Parlez-moi de ça d'abord, pour comprendre d'où elle vient, de quel milieu elle est originaire et à quoi ça correspond, cette mentalité de fille d'épicier. Alors c'est fondamental cette expression-là, elle dénote évidemment un autre mépris d'un autre président français, Valéry Giscard d'Estaing, c'est ainsi qu'il nommait Margaret Thatcher, une simple fille d'épicier. Alors certes, elle est fille d'épicier, elle est née le 13 octobre 1925 dans une petite bourgade de Lincolnshire, au nord de Peterborough, au nord de Leicester, à l'est de Nottingham. Elle est née dans la ville de Grantham, qui est une petite ville de 20 000 habitants où il n'y a pas de classe ouvrière. C'est vraiment une ville de marchands, de classe moyenne. Son père fait partie de la classe moyenne, disons supérieure. Il est propriétaire de plusieurs épiceries dans la ville de Grantham. C'est une figure politique également, relativement importante, je dirais. Il est même maire de la ville en 1945-46. Et puis, son père est également pasteur, méthodiste. Elle est très, très, très influencée par son père. Elle parle rarement de sa mère. Dans son autobiographie de plusieurs centaines de pages, elle ne mentionne jamais sa mère. Par contre, elle mentionne son père, l'épicier, le prédicateur, celui finalement qui incarne des valeurs simples, ces valeurs victoriennes dont j'ai parlé tout à l'heure, valeurs victoriennes que Margaret Thatcher définissait, et je crois que c'est vraiment le mot-clé pour moi lors de cette émission, comme des valeurs éternelles. Mmh. Margaret Thatcher propose un retour à des valeurs simples, l'harmonie, la vérité, la foi, l'espoir, la famille, la loi et l'ordre, et ces valeurs-là seraient les valeurs éternelles de la Grande-Bretagne triomphante, c'est-à-dire la Grande-Bretagne victorienne. Il y a quelque chose de très américain là-dedans, la self-made man ou self-made woman, passez-moi l'expression, mais toute cette notion de méritocratie, elle va se méfier toute sa vie des élites traditionnelles, des grandes familles britanniques, par exemple. Ah, mais absolument. Dans une société très aristocratique et attachée à ses valeurs aristocratiques, c'est vraiment l'équivalent pour moi féminin de Ronald Reagan, oui, aux États-Unis. Enfin, comme Reagan. D'ailleurs, elle l'admire énormément. Elle le rencontre en 1975 pour la première fois. Elle va le voir quelques semaines après son élection en 1980. Comme lui, elle est favorable à des solutions simples et elle est persuadée que finalement son action politique est dirigée par une question toute bête, la lutte entre le bien et le mal. Margaret Thatcher incarne le bien. Oui. Elle va donc, vous le disiez il y a un instant, son père sera lui-même politicien, elle va donc marcher dans les traces du père, candidate une première fois, tenez-vous bien, à 24 ans. Elle va être défaite, mais quand même, candidate à 24 ans. Et puis, son réel début en politique, ça nous ramène à 1959. Et puis là, elle va gravir les échelons. En quelques mots, à quoi ça ressemble les débuts politiques de Margaret Thatcher, Jean-Pierre Lodvenec? Ce sont des débuts incroyables, parce que vous avez mentionné qu'elle est candidate une première fois en 1949, mais trois ans plus tôt, elle est chef des étudiants conservateurs à l'université d'Oxford. Donc, vraiment, elle prépare son entrée en politique très jeune. C'est en 1959 qu'elle est élue dans une circonscription de la petite bourgeoisie, disons, du nord de Londres, la circonscription de Finchley. Et très vite, elle impressionne. Elle impressionne ses électeurs, elle impressionne lors de son premier discours au Parlement. Elle propose une première loi au Parlement en 1960 qui est adoptée à une très forte majorité. Et très vite, finalement, elle obtient des responsabilités puisqu'elle est nommée junior minister, responsable des retraites et des affaires sociales en général. Alors on estime que c'est une affaire très féminine. On lui confie ce mandat-là dans le gouvernement Macmillan au début des années 1960. Et très très vite, hein, on remarque que c'est une femme dont on ne pourra pas se débarrasser. Elle est déterminée. Ouais. Et puis le 3 mai 79, donc sa détermination l'amène aux plus hautes fonctions. C'est ce jour-là qu'elle devient première ministre, première ministre du Royaume-Uni. On l'écoute à son arrivée au 10 Downing Street le lendemain, le 4 mai 1979. Now she's just coming into Downing Street now. Here comes... La voici maintenant qui arrive à Downing Street. On aperçoit la voiture de fonction réservée au premier ministre dans laquelle se trouve Mme Thatcher. Comment vous sentez-vous en ce moment? Très excitée et bien consciente des responsabilités. Sa Majesté la Reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement et j'ai accepté. C'est le plus grand honneur que puisse recevoir un citoyen vivant dans une démocratie. Je connais parfaitement les responsabilités qui m'attendent derrière la porte numéro 10 et je travaillerai sans relâche afin d'honorer la confiance que le peuple britannique m'a témoignée ainsi que les valeurs et principes auxquels je crois. And I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. Margaret Thatcher est donc élue première ministre le 3 mai 1979, vous l'entendiez le lendemain de son élection, le 4 mai 1979. Dans quelles circonstances devient-elle la première ministre du Royaume-Uni, Jean-Pierre Lodelenec? Écoutez, elle a très, très peu d'expérience. Hein. Je viens de mentionner qu'au début des années 60, elle est junior minister. Elle joue plusieurs rôles dans le cabinet fantôme lors des années Wilson à la fin des années 60. Mais finalement, sa seule responsabilité d'envergure, c'est qu'elle est ministre de l'Éducation et des Sciences de 70 au 74 sous le gouvernement de Heath. Et elle prend le contrôle du Parti conservateur en février 75 contre toute attente. Mm-hmm. Donc, entre 75 et 79, alors que les travaillistes sont au pouvoir, personne n'imagine, mais alors personne, que Margaret Thatcher va devenir la grande figure politique qu'elle devient le 4 mai 79 dans un contexte social, économique, politique, mais extrêmement perturbé. La Grande-Bretagne est un pays alors perçu comme un pays en déclin et Margaret Thatcher promet de manière déterminée de mettre fin au déclin du pays qu'elle entend incarner. Oui, et puis sa recette, ben, vous le mentionniez, mais ce sera le thatcherisme parce que l'état économique du pays, c'est la stagflation, c'est les prix du pétrole élevés, c'est les dépenses publiques hors de contrôle, le FMI qui a à l'œil le Royaume-Uni. C'est pas rien, c'est ça la toile de fond. Et puis sa médecine, ben, ce sera, comme on dit en mauvais français, une médecine de cheval. On reviendra avec un exemple très concret dans un instant sur ce que ça va donner les politiques de ce qu'on appelle le thatcherisme. Mais un mot d'abord sur ce qui va lui permettre de remporter, en tout cas en partie, son deuxième mandat, parce que dès le premier mandat, cette rupture qu'affiche Margaret Thatcher dans la manière de gouverner le pays crée beaucoup d'insatisfaction et beaucoup de tensions. Ça va très mal à la fin de son premier mandat, mais survient en 1982 ce qu'on appelle la guerre des Malouines, et c'est peut-être ça en bonne partie qui va lui permettre d'être réélu. Un grand nombre de soldats argentins ont jeté les armes. On rapporte qu'ils agitent des drapeaux blancs à Port Stanley. Des pourparlers sont actuellement en cours sur la reddition des forces argentines aux Malouines, orientales et occidentales. On East and West Falkland. Yeah! La poussée des soldats britanniques sur Port Stanley a été irrésistible. Tôt ce matin, ils avaient déjà pris les dernières positions défensives des Argentins. Ces derniers se sont vite retrouvés devant l'inévitable, se rendre ou risquer une défaite sanglante. À la demande du commandant des forces britanniques, le major général Jeremy Moore, le gouverneur militaire Menendez a accepté un cessez-le-feu de 24 heures pour discuter des conditions de capitulation offertes par les Britanniques. Il est certain que ces derniers veulent une évacuation rapide des Argentins qui devront aussi laisser leurs armes aux vainqueurs. Le cessez-le-feu, qui doit prendre fin à 9 heures demain matin, a été accepté 73 jours après que les Argentins aient envahi les Falklands. Depuis ce jour, le 2 avril dernier, au moins 250 Britanniques ont payé de leur vie la reconquête de l'archipel. À ce prix, il y a fort à parier que le gouvernement britannique va se montrer intraitable avec l'Argentine. Jean Bédard, à Londres. Alors, cette décision de Margaret Thatcher de se lancer dans la guerre des Malouines avec l'Argentine au printemps 1982, c'est certainement une décision de principe, Jean-Pierre Loglenec, mais c'est une décision qui sera aussi très payante pour elle aux élections de juin 83. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cet épisode-là? Qu'est-ce que nous dit cet épisode de la guerre des Malouines sur Margaret Thatcher? Bien, écoutez, c'est certainement très payant dans le sens où les solutions néoconservatrices monétaristes de Margaret Thatcher en 80-81 font d'elle en février 81 la leader britannique la plus impopulaire de toute l'histoire politique de la Grande-Bretagne au XXe siècle. Donc, de toute Margaret Thatcher n'aurait jamais dû finalement remporter un deuxième mandat. Seulement voilà, en avril 82, elle décide de ne plus soutenir, comme elle le faisait auparavant, la dictature argentine. Elle s'oppose à la décision de Leopoldo Galtieri d'occuper ce territoire des Malouines qui est colonisé par la Grande-Bretagne depuis le début du 19e siècle. Et la victoire britannique est fondamentale. Et au terme de cette victoire, Margaret Thatcher dira en anglais « We have ceased to be a nation in retreat ». Nous ne sommes plus une nation, finalement, qui recule. Et en disant cela, elle fait écho, encore une fois, à son alter ego américain, Ronald Reagan, qui dit exactement la même chose au début des années 80, en promettant aux États-Unis qu'il a mis fin au syndrome de la guerre du Vietnam. Donc on a là vraiment à travers Thatcher et Reagan, deux figures qui proposent de rendre à la Grande-Bretagne et aux États-Unis une certaine forme de grandeur qui aurait soi-disant disparu dans les années précédentes. Et cette corde, évidemment, de fierté, de patriotisme, fait qu'elle sera réélue en 83. Parlons d'un épisode qui touche son deuxième mandat et qui montre de manière très concrète ce que ça va donner, ces fameuses politiques de Thatcher, ce qu'on appelle le thatcherisme, Jean-Pierre Loglenec, et je pense à l'épisode de la grève des mineurs. Ça reste probablement l'un des épisodes les plus marquants des années Thatcher, non? Ben, écoutez, certainement, parce qu'au fond, ce qui fait un petit peu le cœur de la politique économique de Thatcher, c'est la politique de l'offre, la réduction des impôts pour les plus riches, la réduction des déficits publics, la réduction de la masse salariale de l'État, une tentative de limiter l'inflation. Mais ce qui vraiment fait la marque, je crois, du projet thatcherien, c'est cette volonté de Thatcher de lutter à mort contre les syndicats. Les syndicats, elle les présente dès 79 contre l'ennemi juré, finalement, de la paix sociale en Grande-Bretagne. Et lorsque le très puissant syndicat des mineurs de Grande-Bretagne déclenche la grève au printemps 1984. Thatcher est déterminée à gagner cette guerre, parce que la dernière fois finalement qu'il y a eu guerre contre les syndicats des mineurs, c'était sous Edward Heath au début des années 70, et Heath et le Parti conservateur avaient plié. Donc Thatcher est déterminée à ne pas plier, et elle veut absolument limiter les droits des syndicats, elle veut interdire le principe du closed shop, c'est-à-dire l'obligation finalement d'être syndiqué pour être embauchée. Elle veut apporter de la démocratie, soi-disant, au monde syndical. Mais en fait, ce à quoi elle veut s'attaquer, c'est qu'au début de son mandat, la moitié de la population active en Grande-Bretagne est syndiquée. Donc elle veut absolument limiter le pouvoir des syndicats et elle triomphe un an après le déclenchement de la grève des mineurs, car les mineurs n'obtiennent rien et retournent au travail alors que Margaret Thatcher annonce sa victoire. Et ça, c'est aussi le signe de cette fameuse dame de fer déterminée qui ne cède rien parce que vous l'avez évoqué, mais d'autres gouvernements britanniques étaient passés par là et avaient fini par céder face au pouvoir énorme qu'avaient les syndicats dans ce pays à une certaine époque. Elle remporte un troisième mandat en juin 1987, Margaret Thatcher, ce qui fait qu'elle aura au final été au pouvoir pendant 11 ans, ce qu'aucun autre premier... Trois mandats consécutifs, vous l'avez dit au début de l'émission, ça ne s'était jamais vu depuis le 19e siècle au Royaume-Uni. Elle va démissionner... obligée de démissionner, Jean-Pierre, malgré ce grand succès qu'elle a eu en novembre 1990. Pourquoi? C'est vraiment une démission surprenante parce que lorsqu'elle obtient son troisième mandat en 87, elle se définit comme une première ministre indestructible et deux ans plus tard, elle promet aux membres du parti réunis en congrès qu'elle sera au pouvoir encore 10 années. Donc Margaret Thatcher n'entend absolument pas quitter le pouvoir en 1990, mais disons qu'à la fin des années 80, le pays est terriblement divisé autour de l'héritage thatcherien. Une partie de la population l'adule, l'autre partie la déteste profondément. Elle est très contestée au sein de son parti. À la fin des années 80, au début des années 90, on lui reproche ses positions anti-européennes, notamment au sein du parti conservateur. Mais surtout, la population se révolte en 89-90 contre la réforme de la taxation locale, la fameuse poll tax. On lui reproche vraiment d'imposer cette mesure terriblement inégalitaire qui vise essentiellement les plus pauvres, ceux qui ont souffert finalement des réformes sociales et économiques des années 1980. Alors oui, elle est... Elle est contestée au sein du Parti conservateur et devant la contestation, elle accepte le 22 novembre 1990 de quitter le pouvoir, ce qu'elle fait 6 jours plus tard. Plus de 2000 personnalités et chefs d'État venus de 170 pays ont assisté aux funérailles de l'ex-première ministre britannique Margaret Thatcher, morte le 8 avril à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Le cercueil est arrivé à la cathédrale Saint-Paul sur une voiture tirée par 8 chevaux noirs, après avoir circulé dans les rues de Londres où des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Notre envoyée spéciale à Londres, Annick Béraud, a assisté à l'événement. Et Annick, même dans la mort, celle qu'on appelait la Dame de Fer continue de provoquer la controverse. Oui, parce qu'il y avait dans la foule, le long du parcours, beaucoup de Britanniques émus, certains avec des bouquets à la main, mais d'autres mécontents, quelques-uns avec des pancartes. J'ai assisté à un échange où les émotions étaient à fleur de peau entre certains pro-Thatcher qui ont répliqué que l'ancienne première ministre avait sauvé les Malouines ou encore sauvé le Royaume-Uni de la faillite. Répliques à des anti-Thatcher qui sont venus dénoncer notamment les privatisations et autres mesures prises durant les mandats de la Dame de Fer. Certains manifestants ont tourné le dos lors du passage du cercueil. Margaret Thatcher, donc, continue de diviser comme de son vivant. Le coût de ses funérailles fait aussi débat. Reste que les obsèques d'aujourd'hui, avec honneur militaire, comme le souhaitait la famille, se sont déroulées, oui, sous haute surveillance, mais largement dans le calme et le respect. Margaret Thatcher meurt le 8 avril 2013, donc, et le jour de ses funérailles, on vient de l'entendre, les Britanniques restent toujours très divisés sur son héritage politique. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui encore un tel clivage? Jean-Pierre Le Glenec. Mais je dirais tout simplement que Margaret Thatcher a obtenu 3 mandats successifs, en effet, mais elle n'a jamais été élue par une majorité de la population. À chaque fois, elle a été élue avec environ 40-44% des voix. Pendant les années 80, Margaret Thatcher a surtout été la première ministre du sud-est de l'Angleterre et de l'East Anglia, la région d'Ipswich et Norwich en particulier. Elle n'a pas été la première ministre du nord, du nord-ouest, du sud du Pays de Galles, du sud de l'Écosse, des régions où le chômage a été la règle dans les années 1980, des régions aussi où les inégalités de richesse n'ont jamais été aussi importantes dans la période thatchérienne. Alors donc oui, aujourd'hui, Margaret Thatcher est un personnage clivant, mais je retiens surtout que c'est un personnage qui a profondément transformé le système politique britannique. Parce que même finalement, le travailliste Tony Blair, qui a pris le pouvoir à la fin des années 90, a tout simplement adapté la philosophie thatchérienne. Personne en Grande-Bretagne n'a remis en cause la privatisation des services sociaux. Personne n'a remis en cause la privatisation du système éducatif. Donc, le thatchérisme est là pour rester. Oui. Et il y a vraiment un avant, ça, et on le comprend bien, un avant et un après à Thatcher. Jean-Pierre Le Glenec, c'était passionnant de vous entendre nous parler de Margaret Thatcher, des années Thatcher au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre Le Glenec, je vous le rappelle, est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Merci à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. Merci à Caroline Morin et Anne Richet à la recherche. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.